vacation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 157e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut la tribu, tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages et tous les groupes qui m'ont contacté cette semaine que je diffuserai la semaine prochaine. On vient de me dire qu'il y avait pas mal de monde qui suivait l'émission depuis bientôt 4 ans maintenant et c'est génial. Merci à vous. On commencera tout de suite avec A Brave New World de Monolith. C'est sur l'album A Bitter End, Brave New World, sorti le 25 septembre 2018. On retrouve Diego Disaster, Betrayed Again et Like a Poison. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Acid Rain de Silverchair. C'est sur l'album Frog Stomp, leur premier album des Australiens, sorti le 27 mars 1995, enregistré alors qu'ils avaient à peine 15 ans. On retrouve Israel Son, Tomorrow et Leave Me Out. On écoutera ensuite une nouveauté, Be Careful How You What, de Walter Trout. C'est sur l'album Survivor Blues, sorti le 25 janvier 2019. On retrouve Me, My Guitar and the Blues, Nature's Disappearing et Something Inside of Me. On les retrouve sur Facebook et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite un petit classique, Allez leur dire de Tonton David. C'est aussi le titre de cet album, sorti le 25 janvier 1994. On retrouve Sûr et Certain, Man Number One, Il marche seul. Il est en tournée et c'est du bon reggae français. Et on finira ce bloc en live et en vinyle avec Weezer et Dopnose. C'est sur l'album Maladroit, leur quatrième album, sorti le 14 mai 2002. On retrouve American Gigolo, Take Control et Slave. Far away from best friend, help you any way he can. But when he takes his seat, the penitentiary plan. So be careful how you vote on every election day. Go the one that you vote for, he just might let you down. Lord, he might just let you down. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Il voudrait nous stopper, mais il ne peut pas nous stopper. Allez leur dire de nous laisser aller, mais il voudrait nous voir partir pour ne plus revenir. Allez leur dire de nous laisser tomber, parce que chaque soir des jeunes se couchent en se disant que demain ça ira peut-être mieux. Le temps passe, des choses évoluent, toujours plus d'enfants qui naissent avec la haine dans les yeux. C'est la prison qui les guette et beaucoup diront bof, mais c'est tant pis pour eux. Mais la pression autour de moi, je ne supporte pas. L'espace est infini, pourtant j'espère à l'étroit. Mais ils voudraient nous stopper, ils ne peuvent pas nous stopper. Allez leur dire de nous laisser aller, ils voudraient nous voir partir pour ne plus revenir. Allez leur dire que c'est mon son qui vient jouer. Bouge, danse et puis c'est bouge, ton body. Passe le message à ton voisin de la part du tonton DJ. Bouge, danse et puis c'est bouge, ton body. Passe le message à ton voisin de la part du tonton DJ. Réagis avant qu'il ne soit trop tard. Ils se sont foutus de notre gueule, ils nous ont pris pour des poires. Ok, c'est vrai, nous sommes là du but. Mais si on se met tous ensemble, Babylon fera la queue. Mais ils voudraient nous stopper, puis ils ne peuvent pas nous stopper. Allez leur dire de nous laisser tomber, ils voudraient nous voir partir pour ne plus revenir. Allez leur dire de nous laisser y aller, mais ils voudraient nous stopper, puis ils ne peuvent pas nous stopper. Allez leur dire de nous laisser tomber, ils voudraient nous voir partir pour ne plus revenir. allez leur dire de nous les évader. Regarde à Paris, ta vie c'est faux cop. Mais regarde les blocs où les noirs sont pas cop. Mais regarde les blocs où les arabes sont pas cop. J'ai fleuri mes registres, la prison full up. C'est bois d'art, si regarde la prison pas cop. Les pauvres dans les cités, mais les bourgeois sirotent. Mais qui nous gouverne? J'ai rien des vieux schnocks. C'est comme ça va Paris, et pas seulement ma Bangkok. Mais ils voudraient nous stopper, ils ne peuvent que nous freiner. Allez leur dire de nous laisser y aller. Ils voudraient nous voir partir pour ne plus revenir. Allez leur dire de nous laisser tomber. Mais ils voudraient nous stopper, ils ne peuvent que nous freiner. Allez leur dire de nous laisser tomber. Ils voudraient nous voir partir pour ne plus revenir. Allez leur dire de nous laisser tomber. Mais ils voudraient nous stopper, ils ne peuvent pas nous stopper. Allez leur dire de nous laisser aller. Ils voudraient nous voir partir. Dope nose. You got it. Vous êtes bien dans Vampire Félix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter A Brave New World, le nouveau Monolith, Acid Rain de Silverchair. On est ensuite Be Careful How You Vote de le nouveau Walter Trout. On a eu ensuite Allez Leur Dire de Tonton David. Et on a fini ce bloc en live avec Dope Nose de Weezer. On continuera cette émission avec Original Sin, le nouveau de Sob Girl. C'est sur l'album Society's Reject, sorti le 24 mai 2017. On retrouve Society's Reject, R... Play With Fire. Elles sont en tournée mondiale, j'espère qu'elles feront un album live. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Sludge Factory de Alice in Chains. C'est sur l'album Alice in Chains, leur troisième album sorti le 21 novembre 1995. Surnommé Tripod en raison de la photo du chien amputé d'une patte figurant sur la pochette. On retrouve Grind, Head Creeper et So Close, un classique du rock des 90, sombre à souhait. On écoutera ensuite People Get Ready de Max Romeo. C'est sur l'album Anthology, sorti au 5 septembre 2017. On retrouve What Dream, Nobody's Child et Bayou Rainbow. On écoutera ensuite Pour la gloire de Comintern Sect. C'est sur l'album D'une même voix. C'est un EP 6 titres sorti le 15 février 2016. On retrouve D'une même voix, La belle vie, Unité, Moi tu sais, Nous marchons dans la rue et Pour la gloire. Il y aura d'autres titres dans les prochaines émissions, promis. Et on finira ce bloc en live avec Deadly Valentine de Charlotte Gainsbourg. C'est sur l'EP 4 titre Take Two, sorti le 14 décembre 2018. On retrouve Such a Remarkable Day, Bombs Away, Lost Lenor, Runaway et Deadly Valentine en version live. On les retrouve sur Facebook, YouTube et évidemment partout. Original sin.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Tous unis pour réussir, tous unis et enfin. c'est Vampire Freaks et c'est Spikey avec vous. On vient de s'écouter Original Sin, le nouveau Sob Girl, Sludge Factory de Alice in Chains. Ah oui, c'est un morceau de 7 minutes et il va y en avoir deux autres des morceaux longs cette semaine. On a eu ensuite People Get Ready de Max Romeo. On a eu ensuite Pour la Gloire de Comintern Sect. Et on a fini ce bloc en live avec Deadly Valentine de Charlotte Gainsbourg. On continuera cette émission avec Aquabon, le nouveau Dead in 1985. C'est sur l'album Hyper Fréquentiel, un EP 6 titres, sorti le 15 novembre 2018. On retrouve Good Day, After the Grave, L'Inconnu, Aquabon, Our Special Day et Ils Disent. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, All My Love, le nouveau Ismaël Makianuf. C'est aussi le titre de ce superbe album, sorti le 11 février 2019. On retrouve Change the World, Love Mama, featuring Winston Makianuf, et oui, featuring avec son père, et The System. Je lui souhaite une aussi grande carrière que son père, et une petite pensée émue pour son frère Matthew. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, c'est Too Much Information de The Planet Smashers. C'est aussi le titre de cet album Péchu, sorti le 10 mai 2019. On retrouve Can't Stop, Good Vibes, What's Going Down. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Merci à Camarade B pour ce super son, tabarnak en Chris. Et on continuera avec Beau Pain dans ta gueule de le nouveau Maggie Ball. C'est sur l'album Je suis pas ta mère, sorti en 2017. On retrouve Jean-Marc, Colette et les Enculés. On la retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Elle est en tournée actuellement et moi j'ai hâte qu'elle sorte un album live. Et on finira ce blog justement en live avec J'en rêve encore des Naufragés. C'est sur l'album Concert intégral, sorti le 27 janvier 2017. On retrouve le Corsaire, le Grand Coureur, le Mal par le Mal et l'Harmonica. Vu il y a un certain nombre d'années dans un concert, et ça m'a laissé des bons souvenirs, je me rappelle que ça jumpait de partout. Préfère quand tes phrases sans sens me rendent nerveux et fier de me dire qu'un jour ma douce il faudra te taire. Secoue amer dans la bouche, envie de vomir quand tu me touches, me retourner quand tu te couches, te noyer sous la douche. Espérer voir sa conne de femme s'étouffer quand elle se mouche. Je ne me souviens même plus pourquoi on s'aimait quand tout n'est qu'insulte ou cocu. Et pourquoi je te hais, tout de toi m'insupporte. Ah, écoutez mon cœur, demain je prends la porte et à la première. Je sais, je suis responsable, mais je te le dirai jamais. L'idée de te sentir coupable à vie, je renais, je te regarde sans t'écouter. Je préfère entendre étrier quand l'autre vous rend fou. À quoi bon lutter? Des bâtons dans les roues, rêves enterrés sans devenir faux, passer de vaillant. Insulte ou cocu, et pourquoi je te hais, tout de toi m'insupporte. Ah, écoutez mon cœur, demain je prends la porte et à la première. Pourquoi on s'aimait, et pourquoi je te hais. tell you about my life. Hey, tell you about my life. Rastafari, it's me, Ras Ishmael Makanoff. Try say Maclan, them say Makindala. What would them do for the people? All my life, I'm not seeing none of them. Hey, all my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. All my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. The rich man wealth is in the city, so me sorry for the mothers with the babies. Them use them brain and sidestep we, true we are the lower class people in the country. Politicians come around with their stories, and when election done them ignore we. So me see them only want to use me. Wise my people, and don't make them fool me. Cause all my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling. One day my cup must full up. All my life I've been struggling. Me no see no one fi help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. Get out of my way, a dirty bandwagon. We no ask our donkey for them right pan. Run them away with them evil intention. Got them no care for the younger generation. I chew me powerful, them can't hold me down. I chew me strong, them can't come shove me down. Them give me gun fi shoot on me brother dog. Hey wicked man, I no feel me blind or me dumb. All my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. All my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. One day my cup must full up. Me no see no one. Only Jah fi help I out. I want to them man. It's a raggy road as them say, you know. Why you go and try it same way, you know? Rastafari. Hey! The rich man wealth is in the city, so me sorry for the mothers with the babies. Them use them brain and sidestep we, true we are the lower class people in the country. Politicians come around with their story, and when election done them ignore we. So me see them only want fi use me. Wise my people, and don't make them fool me. Cause all my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. All my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. One day my cup must full up. Heights of great man reach and careful. I'm not attained by sudden flight. But while day and their company had slept, you know, I was a upward styling through the night. How you doing right now? tell you about my life. All about my life. All my life I've been struggling. Jah alone help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. All my life I've been struggling, me no see no one fi help me out. All my life I've been struggling, but one day my cup must full up. Rastafari, if thanks and praise. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Ton côté macho, ça doit faire plaisir à ta mère. Ça impressionne les marmots et fait sourire la fromagère. Mais monsieur, ça ne suffit pas. Il nous faudrait quelques stères de matière grise. Mais voilà, t'as mis la tienne en jachère. Alors tes caprices de beau gosse et tes idées dégueulasses, tu peux te les caler dans l'os, ça te fera du bien par où ça passe. Car si tu crois que c'est toi le boss parce que t'as des testicules, dis-toi qu'on est plus féroce qu'un pervers sans scrupules. Quand c'est non, tu comprends ça, connard. T'as pas tous les droits, gros con, même si t'as un peu de pouvoir. Et quand c'est non, rentre ça dans ton cervelet si tu veux pas finir castré. Quand c'est non, c'est non. Et si tu uses, que tu abuses de tes muscles pour la rendre heureuse, ne te plains pas si tu accuses un coup de genou dans les valseuses. On n'est pas des satin touches, mais faut pas abuser non plus, que ça soit nos seins ou bien nos bouches. T'y touches pas si t'es pas le bienvenu. Tu pensais qu'avec du pouvoir, tu pourrais balader tes mains. Tu finiras en steak tartare et le zop cuit dans un gratin. Tu pensais qu'avec du pouvoir, tu pourrais toucher nos culs. Mais celui qui touchera le tien ce soir, ça sera ton colis de nuit. Quand c'est non, c'est non. Tu comprends ça, connard? T'as pas tous les droits, gros con, même si t'as un peu de pouvoir. Et quand c'est non, c'est non. Et si tu piges pas ça, tu demanderas l'explication au maton qui s'occupera de toi. Si t'es complexé, monsieur, parce que t'en as une toute petite. Si t'es frustré, monsieur, parce qu'il y a que toi qui en profite. Si t'es blessé, monsieur, parce qu'on reste insensible à tes messages vicieux. Pauvre imbécile, c'est que les pectoraux gonflés à la testostérone. Ça fait peut-être peur aux corbeaux, mais nous autres on s'en tamponne. Et on sait bien qu'un jour ou l'autre, où tu abuseras de caresses, t'auras ta bite, pas ton couteau. Et ça sera l'inverse quand c'est non, c'est non. Tu comprends ça, connard? T'as pas tous les droits, gros con, même si t'as un peu de pouvoir. Et quand c'est non, c'est non. Je vais pas te faire une prose, qu'on soit moche ou bien canon, merde. On n'est pas tes choses. Quand c'est non, c'est non. Il n'est pas si loin le temps où les loups étaient maîtres au cercle des sages. La mémoire de ceux qui sont devenus fous porte encore les traces de leur dressage. Nos défaites sont saluées comme des victoires chez ceux qui ont perdu l'espoir. Tous les sans-honneur, tous les sans-égaux, ceux qui cherchent la parole qui sauve. Se trouve un château hanté par le spectre de la beauté, celle qui se jetait jadis éperdue aux pieds des voyageurs égarés. Elle n'est plus le privilège des conquérants, dans la chambre des âmes elle se rend. À portée de chaque jouissance, elle est indestructible et cristalline. Et j'en rêve encore, et j'en rêve, et j'en rêve. Chez les croyants, la voyant chez les innocents, elle met dans la main de la mendicité une perle de lucidité. Le premier poète qui la prendra de force servira son dernier repas. Que la passion du poison les emporte enlacés dans le même trépas. Et j'en rêve encore, j'en rêve, et j'en rêve. Restaurer le manoir bâti sur l'ombre des décennies. qu'il n'est pas si loin le temps où les loups étaient maîtres au cercle des sages. La mémoire de ceux qui sont devenus fous porte encore les traces de leur dressage. Et j'en rêve encore. Et j'en rêve. Ah, les naufrages en concert, c'était quelque chose. Vous êtes toujours dans la 157e Bumper Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter À quoi bon de Dead in 1985, All My Life, le nouveau Ishmael Mekhanouf. On a eu Too Much Information, la nouveauté et l'exclusivité de Planet Smashers. On a eu ensuite Les Beaux Pains dans ta gueule de Maggie Ball. Et on a fini ce bloc en live avec J'en rêve encore des Naufragés. On continuera cette émission en live avec L'essayer, c'est l'adopter des Shérifs. C'est sur l'album Allegro Turbo sorti en 1995. Allô la police, on retrouve Génération Atomique et Marteau Piqueur. Eh ouais, c'est bizarre, mais cette année, il y a un, cette année, du moins cette semaine, il y a un paquet de titres de 1995. On continuera en vinyle avec Brigada Forest Magone et Bienvenue en Enfer. C'est sur l'album Tout pour Tous, sorti le 22 octobre 2007. On retrouve La Rage au Corps, Violence, Ils veulent nous tuer. Dommage qu'ils ne fassent plus rien. On aura ensuite un autre son culte, Endsong de Oberkampf. C'est sur l'album Chrysanthème, sorti en 1985 et remasterisé et réédité en 2018. On retrouve Chrysanthème, Hôpital et Quel Temps, un classique du punk français. Merci à Pat Kebra et Kebra Record pour m'avoir fait passer les sons. On continuera avec une autre nouveauté et même une autre exclusivité. C'est Television Nation de Sphere. C'est sur l'album Yono qui est sorti le 10 mai 2019. On retrouve The Cimmerian Ghost, Mars et Stellar. Un des trois morceaux longs de cette semaine. Et celui-là, il fait plus de 7 minutes 10. Et on finira ce bloc en live avec À bout portant de Molodoy. C'est sur l'album On est là, sorti en décembre 1993. On retrouve Irrécupérable, Cassons les murs, On est là. Une belle continuité des Bérus. L'essayer, c'est l'adopter.

Fromage, Chahine, Youssef, Jean-Luc, Francis, Toumi, Porte un petit lord d'un plus fort. Ah, ça me fait plaisir de vous faire un petit bloc comme ça, 100% punk français, ça me fait trop plaisir. On vient de s'écouter, l'essayer c'est l'adopter, en live des Shérifs, Bienvenue en Enfer en vinyle de Brigada Forest Maragon, N-Song de Oberkampf, on a eu ensuite Television Nation, l'exclusivité de Sphère, et on a fini ce bloc en live avec À bout portant de Molodoy. On continuera cette émission en live avec Enfant du Ghetto de la Dubbing, c'est sur l'album They Want Live à Saint-Etienne en 2017, on retrouve Dos à Dos, Triste Époque, Murderer, etc. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, One, et c'est même une exclusivité, c'est de Guéro, c'est sur un EP 4 titres qui s'appelle Org, sorti en 2019. On retrouve One, WSY, Dusk in the Seashore of, et Ops. Le label c'est CULA, du bon rock spatial, on les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté et même une exclusivité, Unbreakable de Riven, et c'est le single d'un album à paraître. Ils m'ont contacté via la page Facebook de l'émission, merci à eux, et bientôt d'autres titres j'espère. On les retrouve sur Facebook, YouTube et j'espère bientôt sur Bandcamp aussi, ça serait sympa. Et on continuera avec le troisième et dernier morceau long de l'émission, Walk Your Own Path de Sunset Madness, pardon. C'est sur l'album Bloodless Escape, sorti le 15 mars 2018. On retrouve Day of the Dead, This Is Your Reality et Bloodless Escape. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Donc comme je disais, ce sera le troisième morceau de cette émission. Il fait 9 minutes 11. Rares sont les émissions qui diffusent des titres aussi longs. Et on finira ce bloc en live avec Midnight at the Last and Found de Meatloaf. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti en mai 1983. On retrouve Razor's Edge, Wolf at Your Door et If You Really Want To, un classique de chez Classic. Oh, coming in from the cold, and we are coming in, coming in, coming in, coming in. We're coming in from ghetto, quartier du monde entier. Le vrai adversaire n'est pas le voisin d'à côté. Être le gardien de son frère, une responsabilité. Une aide dans la misère n'est plus une fatalité. So we sail, so listen, rude boy, don't be so rough. Évite les tentations de cet engrenage violent. So listen, soul boy, du plus jeune au plus grand. Construisons des mains dans ce qu'on laisse à nos enfants. So listen. Piège et kouzougoungese, yikanyase, adiesse au salalundo. Yese, ou yima foyele, raganye, oube ou lo kourbef nougan. Bon taxi que c'est ta mama. Digue zirin et katon wana tondo. Wana f mama, wana hafu. Oh oh oh oh oh. Il karma me zazigom tamar bangar kate sebre. Tum kare na mare suri. Fonouk san kazare. La bakaye. Partout est la même. À part du ghetto, Ariès au salarou. Et ça c'est tout le monde, c'est tout le monde. À part du prends le pouvoir. À part du y'a la malakam. Jambé kubé le wambo. Pour tous les esprits du système. Car la misère. Ariès au salarou. Encore plus fort, plus fort, plus fort. Et voilà ça. Cause you think now you're too high and we're down below. You think you can fly if you're rising low. You play all the time, think you're on a show. Anyway, you're driving so far in your daddy's car, looking like a doll on the boulevard. You're trying to smile like a movie star. Anyway, your heart is a cloud, your eyes are danger zone. The wave of the shark is gonna break your bones, and you're gonna fail, cause we're not your pawns. Anyway, you wanna get high, you wanna get high, you're gonna get down, cause you know where to go. We can break your ego. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. they'll turn on you if you don't fit. You got a good mind of your own. No need to go down that lonely road. Just keep on trudging on. Do your best to get along. When people are cold, keep a warm heart. If your day is stolen, make a brand new start. Walk your own. putain que c'était bien ça, Beatlof en live. Vous êtes toujours dans la 157e. On vient de s'écouter Enfant du Ghetto en live de Dubbing. On a eu ensuite One, le nouveau et l'exclusivité de Gero. On a eu ensuite Unbreakable, le nouveau et l'exclusivité de Riven. On a eu ensuite le super titre Walk Your Own Path de Saint Madness. Et on a fini ce bloc en live avec Midnight at the Lost and Found de Beatlof. Cette 157e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vapeur Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe et que vous souhaitez être diffusé, bah, contactez-moi. On continuera. Vous dites, ah, c'est, il n'a pas encore mis de son culte. Eh bah, ben, le voilà. On terminera cette émission avec Brown Sugar des Rolling Stones. C'est sur l'album Sticky Finger, sorti en avril 1971. On retrouve Wild Horses, I Got the Blues et Sister Morphine. Donc on finit donc avec ce vieux son culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu!